Sotteville-lès-Rouen, le 14 janvier 2020. Bonjour. Bonjour. C'est Aurélie. Oui, c'est ça, Aurélie. Je suis enseignante en histoire-géographie au lycée Marcel Samba. On est devant le lycée Marcel Samba, enfin les lycées Marcel Samba, oui. Parce qu'il y a un lycée pro oui, aussi. C'est ça. Et là, tout à coup, il y a plein d'élèves qui sortent, alors que c'est pas du tout l'heure, je crois, de sortir. Oui, alors il y a une action qui démarre sous peu. Là, les élèves sortent de cours pour 20 minutes aux côtés de pas mal de professeurs. Le but, c'est de manifester notre mécontentement par rapport à la réforme Blanquer, notamment aux épreuves de contrôle continu qui ne sont pas satisfaisantes. Plein de choses arrivent de dernière minute sur les modalités d'évaluation. Les sujets ne sont pas satisfaisants. Beaucoup d'élèves sont très stressés par rapport à ça. Et puis les enseignants, on n'est pas satisfaits puisque de dernière minute, on en apprend sur les modalités d'évaluation. Donc on ne prépare pas au mieux non plus nos élèves. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc la réforme, elle est mise en place, mais de manière complètement à l'envers. Quoi. Voilà, à la va-vite, c'est pas satisfaisant. Et pourquoi on a choisi ce jour-là? C'est parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs inspecteurs de langue qui sont venus rencontrer les professeurs de langue. Ça a déjà été le cas en maths et en histoire-géo avant et après les vacances. Le but de ces rencontres, c'est de nous rassurer sur les modalités d'évaluation. Pour autant, la réforme est en train de passer en force, malgré nos alertes. Donc c'est assez rageant. Et l'objectif de cette réforme, c'est dans la continuité de la mise en place de Parcoursup et tout ça, ça a un lien? Oui, exactement. Vraiment, les élèves, même eux, ça les conditionne pour un avenir qui n'est pas trop satisfaisant. Et ils ont beaucoup d'inquiétudes. Indirectement aussi, les élèves qui qui sont en terminale et qui sont concernés par l'ancienne mouture du bac, indirectement, ils sont touchés puisque nous, pour manifester notre mécontentement, on a décidé d'annuler les bacs blancs. Peut-être que certains terminales vont témoigner. Eux aussi, ils sont touchés, mais c'est le seul moyen de pression qu'on a pu trouver en plus. Et du coup, là, il y a aussi des élèves de terminale qui sont solidaires des premières. Ils ont des amis en première, ils voient qu'ils sont stressés. Voilà. C'est le management par le stress dès le lycée maintenant, quoi. Exactement. Et ça fait du coup beaucoup plus d'évaluation qu'auparavant. On prétend au niveau des élèves qu'il faut leur dire que c'est une évaluation comme une autre, mais il y a tout un dispositif qui fait quand même grandement penser au bac, voire plus encore avec numérisation des copies. Les élèves sont extrêmement stressés pour ces épreuves qui arrivent la semaine prochaine, le 20 et 21 janvier. Mais je vois que tu portes également une pancarte allongement du temps de travail, retraite soldée, bac soldé, il y en a assez. Non à la réforme des retraites et aux évaluations en contrôle continu. Oui, c'est ça. Là, il y a une conjonction aussi. On est en lutte depuis bien avant les vacances de Noël pour ces deux fronts. Donc on essaie de varier les modalités d'action. On fait grève, mais pas que. On tracte. Là, on fait cette action aujourd'hui et on a une heure d'info syndicale cet après-midi où on va envisager éventuellement le boycott de ces épreuves de contrôle continu de la semaine prochaine. Okay. Il y a beaucoup de lycées mobilisés ? Oui, aux alentours, il y a notamment le lycée de Val-de-Seine. Dans le bassin rouennais, il y a aussi le lycée Jeanne d'Arc, par exemple. Voilà, ça commence vraiment. On était dans les premiers en décembre. On a été reçus à l'inspection académique et on nous a fait remarquer qu'on était les seuls. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, merci à toi. Merci. Votre prénom, c'est quoi ? Ayat. Bonjour Ayat. Du coup, vous êtes élève en première ? Oui. Au lycée Marcel Samba de Sotteville-lès-Rouen. Et qu'est-ce que vous faites sur le parvis à cette heure-là ? On est sorti pour protester contre les E3C qui sont arrivés trop vite et pour lesquels on n'est pas préparé. Donc les évaluations en contrôle continu, c'est ça ? Oui. Okay. Et qu'est-ce que ça change par rapport... ça signifie quoi en fait, les évaluations en contrôle continu ? Comment ça se passe ? On doit tous passer les épreuves de langue et d'histoire. Et le truc, c'est qu'on n'est pas tous... Ce sont des sujets qui sont, qui sont par lycée. Donc c'est plus alors que c'est des épreuves de bac qui devraient être nationales. Et on n'est pas préparé pour ces épreuves. Parce qu'elles sont constamment changées. Et, enfin, elles sont constamment changées. Et je crois que les barèmes de langue, ils ont été changés encore très récemment, alors qu'on doit les passer la semaine prochaine. Donc vous avez l'impression que les critères d'évaluation, ils sont un peu faits n'importe comment, quoi. Oui, enfin c'est stressant pour nous parce que c'est peut-être que pour eux ils s'en fichent, mais nous c'est notre avenir qui est en jeu, donc on peut pas le faire à la va-vite. Et par rapport à Parcoursup qui vous attend du coup l'année prochaine, vous êtes critique de ça aussi ou vous avez pas encore réfléchi à cette question-là ou... Bah le truc c'est que pour Parcoursup, je sais pas si je pourrais faire ce que je veux parce que je ne connais pas les acquis qu'il fallait avoir l'année prochaine, l'année dernière l'université, on n'était pas vraiment sûr par rapport aux spécialités. Donc, est-ce qu'avec les spécialités que j'ai prises, est-ce que je pourrais faire ce que je veux ou bien, je sais pas. Vous êtes dans l'incertitude jusqu'au bout, quoi. Bah, c'est toute la réforme, c'est l'incertitude, donc. Ouais. C'est pas une ambiance très sereine pour préparer la suite pour vous. Non, personne n'est serein pour ça et c'est très stressant. Et là, c'est les profs qui se mobilisent ou les élèves font aussi des choses séparément des profs? Bah, on essaye de se mobiliser comme on peut. On a fait des blocus au début d'année, mais on n'a plus le droit d'en faire. Donc, je ne sais pas encore ce qui est prévu, mais on fera toujours ce qu'on peut. Merci. Je vous en prie. Oui, bien sûr. Pierre, toi, tu étais mobilisé déjà hier sur le rectorat de Rouen, sur le blocage du rectorat de Rouen. Et puis, c'est toi qui m'as donné l'info pour aujourd'hui, ce matin, devant le lycée Marcel Samba. Et tu me disais que tous les élèves sont dehors, là, actuellement. Oui, effectivement, on a une grosse partie de nos élèves, enfin, l'intégralité de nos élèves de seconde qui participent à l'opération lycéen au cinéma. Mais à leur exception, l'intégralité des collègues ont laissé leurs élèves débrayer. C'est une initiative qui vient d'eux. Ils voulaient absolument marquer le coup pour la venue de M. Merlin et M. Djemdal, le PVS et le proviseur de vie scolaire, et puis un inspecteur d'académie qui se déplace pour les rencontrer à 11h30. Donc 100% de nos élèves présents dans l'établissement sont sur le parvis ce matin pour leur montrer leur opposition aux E3C et leur remettre un cahier de doléances. Et c'est-à-dire que l'ensemble des professeurs des lycées Marcel Samba sont d'accord avec la mobilisation là. Alors là, effectivement, on pourrait déjà se poser la question d'accord ou pas d'accord. Les élèves ont à un moment donné une liberté d'action, donc ils avaient décidé, eux, de sortir. On a posé des questions, on a discuté entre nous, et effectivement, il y avait unanimité sur le sujet ce matin de marquer le coup en ce qui concerne l'organisation des E3C. Dans les modalités, le choix des sujets, etc., on n'est pas forcément tous d'accord, mais par contre, sur l'opposition à cette mise en place, bien évidemment, il y a unanimité, et ça fait plaisir. Et l'année prochaine, c'est les secondes qui vont être mis en état de stress? Alors, les secondes sont déjà un petit peu dans une situation compliquée, puisque c'est la mise en place pour la première fois des nouveaux programmes de secondes, qui rend un petit peu la continuité collège-lycée extrêmement difficile. Moi, pour vous dire, j'ai 70 élèves de seconde cette année en mathématiques. Lors de la première réunion de parents-professeurs, j'en ai rencontré, à partir de 16h30 et jusqu'à plus de 22h, 58 familles particulièrement inquiètes, non pas forcément sur la façon dont se déroulent les cours, mais sur le contenu, l'application pédagogique de cette réforme. Merci. Moi, je n'aurai pas mon nom de famille. D'accord, non, mais je prends que les prénoms de toute façon. D'accord, ok. Donc, vos prénoms, c'est quoi? Moi, je m'appelle Jade. Moi, je m'appelle Agathe. Ok, et donc pourquoi vous vous mobilisez aujourd'hui? Alors, on est représentante des élèves. Moi, je suis présidente du lycée Marcel Samba. Et aujourd'hui, je pense que je parle au nom de tout le monde. On revendique les E3C. On est vraiment contre les E3C et contre cette réforme. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on organise le débrayage. C'est ça, tout ça, tout à fait. Et aussi, on est contre ces E3C, mais on aimerait bien quand même récupérer nos DS communs et nos bacs blancs parce que on nous a supprimé pour toutes les classes de tous les niveaux les DS communs et les bacs blancs, donc ce qui fait qu'on a un manque de préparation. Et en plus de ça, il y a les E3C, tout ça, donc c'est compliqué. Et c'est du stress pour tous les élèves et c'est très mal organisé, les E3C, tout ça. Et pourquoi c'est justement, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes opposé aux évaluations en contrôle continu telles qu'elles sont organisées maintenant? Alors on s'oppose aux E3C car déjà la banque des données a été ouverte le 9 décembre. Donc les professeurs ont 2 semaines avant les vacances pour nous préparer. Ils ont commencé à nous préparer au mois de janvier. Donc déjà il y a un manque de préparation, un manque de temps. Des fautes dans les sujets de langue, on a appris qu'il y avait des fautes dans le sujet de langue, donc c'est compliqué. Enfin, c'est quand même important quand même. Et oui, on n'est pas prêt à l'âge de 16 ans à, en janvier, passer le bac, en fait. On n'est pas prêt à passer deux journées d'épreuves. Même si on nous dit que, soi-disant, les notes des E3C, ça vaut quasiment rien pour le bac, ça reste quand même des notes de bac. Donc, et puis ça reste quand même des épreuves de bac, donc c'est stressant. Et même, par exemple, on a les langues. Nous, on passe lundi et mardi prochain. Et donc on a les langues et l'histoire. Et l'histoire, par exemple, dans certaines classes de première, on n'a pas tous le même nombre de chapitres. De chapitres. Les chapitres sont bâclés, les chapitres, ils ne sont pas finis pour toutes les classes. Il y a un manque de temps, on ne peut pas tout faire. Et quand on demande des questions, on ne peut pas parce que faut se dépêcher pour finir le chapitre, pour justement pouvoir être bien pour le jour des E3C, connaître tout son cours par cœur et tout ça. Et c'est compliqué. Il y a eu d'autres débrayages avant dans l'année ou des blocages du lycée ? Il y a eu des blocus. Il y a eu deux blocus, le 12 et le 13 décembre. Des demi-journées ? Donc ouais, toute la matinée. Donc nous, on était à partir de là à 7h. Donc on avait pris des caddies de Carrefour le jeudi. On les avait mis là. Donc ça s'était bien passé. On était 200 à peu près, ouais. Un truc comme ça. Il y avait beaucoup d'élèves. Ouais, il y avait de tous les niveaux. Il y avait certains professeurs. Donc là, ça s'était bien passé. On était contents. On nous a dit que ça s'était bien passé, mais on n'avait pas le droit. Ça n'était pas à refaire, en fait. On nous a formellement interdit de refaire un blocus au lycée Marcel Samba. Parce que dans la loi, c'est interdit de bloquer un lycée. Et là, vous avez le sentiment que une majorité de lycéens et lycéennes sont opposés justement à ces réformes telles qu'elles sont menées. Oui, je pense. En fait, par exemple, on a fait passer un cahier de doléances hier pour toutes les premières. Tous les premières ont répondu sur le cahier de doléances. Tous les premières ont fait un effort d'expliquer pourquoi ils étaient contre la réforme. Et dans les cahiers de doléances que vous allez remettre à l'inspecteur d'académie, il y a quoi dans ces cahiers ? Alors, dans ce cahier, il y a... des élèves qui se plaignent de stress, ouais. D'énormément de stress. Que c'est mal organisé. Que les réponses, il y a des réponses qui restent sans réponse, des questions qui restent sans réponse, pardon. Et oui, les élèves revendiquent en fait qu'ils demandent la suppression des E3C parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils ont parlé de tous les problèmes en fait qu'ils avaient rencontrés depuis septembre. Et ils ont aussi parlé du fait qu'on doit enlever une spécialité dans un mois. Donc la spécialité va vraiment dépendre de notre avenir. Si on l'enlève, c'est vraiment un choix très difficile. Et je pense qu'à 16 ans, c'est très compliqué de faire ce choix-là. Parce qu'il faut déjà choisir son avenir alors qu'on n'a que 16 ans. Même déjà l'année dernière, il fallait choisir nos spécialités. Ce qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'élèves au final qui se sentent pas bien dans leur spécialité et qui ont beaucoup de problèmes. Je sais qu'au début d'année, il y a beaucoup d'élèves qui ont voulu changer et qui ont eu un gros stress et tout ça, qui sont partis en dépression, il y en a certains. Et c'est pareil aussi, les problèmes des E3C, j'ai vu qu'il y a un problème par rapport aux élèves qui ont un handicap. Parce que, par exemple, nous, on sait que le lundi, c'est toute la journée, mais on a 4 heures de pause le midi, alors que ceux qui ont un handicap, ils ont moins de temps, vu qu'ils ont leur tiers-temps. Tout ça, il faut qu'il y ait une aide pour qu'ils écrivent à leur place et tout ça. Donc, il faut qu'ils soient dans une classe à part. C'est compliqué, il y a beaucoup de problèmes qui sont pas résolus. Ouais, une vraie mauvaise organisation, en fait, de la part des E3C. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non. C'est bon ? Oui, c'est bon. Bonne suite de mobilisation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je pense comme à votre époque, à la mienne, même il y a 10 ans, parce qu'ils sont tellement stressés par Parcoursup que la moindre de leurs absences compte, par exemple. Et donc, ils sont sans arrêt sous la pression de ça. Parce qu'ils savent que pour certaines écoles d'ingénieurs, par exemple, l'absentéisme est pris en compte. Donc tout est complètement pris en compte dans cette espèce de logiciel Parcoursup. Donc avant, les lycéens faisaient grève très facilement, par exemple, mais ça les bloque énormément. C'est hallucinant, quoi. Donc ça, c'est une victoire, c'est un combat qu'on a perdu, qu'on a perdu Parcoursup, mais c'est vraiment un ensemble de saloperies, j'ai pas d'autres mots, qui se sont imposés comme ça sur la jeunesse. Ils subissent vraiment de drôles de choses, quoi, je trouve. C'est appliqué un peu le management du monde du travail, mais des lycées, quoi. Ah oui, oui, c'est l'évaluation permanente, à la fois sur les résultats, parce que les résultats de première comptent, mais aussi sur l'attitude. Alors, si on est délégué, par exemple, ça c'est compté aussi dans Parcoursup, en bonus, mais si on a beaucoup d'absences, c'est compté aussi en malus. Enfin, c'est fou, quoi, c'est vraiment fou. Alors, appliquer ça à des gosses de 16 ans, enfin, moi, je trouve ça dingue, quoi. Voilà. Ouais, ça les enferme assez tôt. Ah bah oui, parce qu'ils sont complètement... ils subissent cette pression, quoi. Et ce qu'on voit pas, et ce dont on parle pas, c'est ceux qui subissent ça, et du coup, bah, soit sont absentéistes, soit se droguent, soit sont rejetés par le système, parce que le système les rejette, quoi. Parce qu'il est impitoyable, vraiment impitoyable. Voilà. Et moi, bon, bah, c'est tout ça qui me révolte. Vous, vous êtes donc prof d'histoire-géo sur le lycée Marcel Samba. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Histoire-géo, c'est ma deuxième année à Marcel Samba. Bon, enfin, c'est pas ma deuxième année, puisque je travaille depuis 1995, donc voilà. Votre prénom, c'est quoi ? C'est Laurent. Merci, Laurent.